Sanson m'aura Nancy, prodigieuse victoire. La pierreuse nation qu'il raillait s'est abattue sur les armées du téméraire comme une avalanche. Et l'on a retrouvé un cadavre tout nu, pris dans la glace des marais, à son doigt, l'anneau de Bourgogne. Mais le butin des camps du duc a jeté la discorde chez les Suisses. Les villes se dressent arrogantes et riches contre les cantons campagnards, jaloux de leurs étroites libertés. 15 assemblées en une année n'ont pas su concilier les deux parties. Pour la dernière fois au pays d'Unterwald, dans la patrie du solitaire, se réunit la diète des cantons. Et les ambassadeurs des princes étrangers déploient leurs fastes tentateurs.